Messieurs, dames, camarades, amis, compagnons, compagnes. Merci d'être venus cet après-midi. On est heureux d'accueillir deux copains des éditions du Coquelicot qui viennent spécialement de Toulouse, Juanito et Yves. Les éditions du Coquelicot sont à Toulouse, qui se définissent eux-mêmes comme des publications libertaires de Toulouse et du reste du monde. Alors, aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du livre d'Antonio Teles Sola, mais bon, je ne vais pas trop parler d'Antonio Teles Sola, puisque je pense que vous allez en parler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un membre fidèle du CIRA jusqu'à son décès il y a 3 ans, en 2005. Les éditions du Coquelicot, il a fait le bulletin sur les anarchistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les éditions du Coquelicot à l'origine étaient une revue qui a eu 47 numéros, qui s'est arrêtée en 2008. Vous pourrez aussi nous en parler pourquoi vous avez arrêté. Vous êtes plus spécialisé maintenant dans l'édition, donc vous avez déjà publié deux livres de Jean-Marc Iserine qu'on a accueilli une fois ici, Les libertaires du Yiddishland et Les libertaires et l'affaire Dreyfus, un recueil de chroniques qui était paru dans le journal Le Coquelicot qui s'appelle Libertaire, et un livre de Gaston Brittel qui est une espèce de traité d'économie un peu iconoclaste qui est en deux versions, espagnole et française, La foire aux ânes. Et j'en oublie pas, si j'oublie celui-là, Les collectivisations dans l'œuvre constructive de la révolution espagnole. C'était un texte publié par la CNTFI, je crois, en 37, et que vous avez réédité. Et donc aujourd'hui, nous parlons du réseau d'évasion du groupe Ponsan. Je vous laisse la parole. Tu peux peut-être te demander avec le calendrier du CIRA est sorti, qui est là-bas, et que... Alors, je mentionne que les livres présentés ici, nous avons le livre dont nous allons parler, donc je pense que la causerie va être tellement passionnante que vous allez vous ruer dessus dès qu'elle sera finie. Et nous avons mis quelques livres sur la même période, enfin sur l'Espagne, la même avant et après cette période, qui font partie de notre librairie et qui sont en vente aussi. Et le calendrier, bien sûr. Donc, tu as parlé, Gilbert, je vous laisse la parole. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on ait traduit ce bouquin-là, c'est le TIS sur le réseau comme ça, c'est à cause de celui-là. C'est à cause des Fils de la Nuit. Pareil comme ça. Dans l'histoire des Fils de la Nuit, c'est l'histoire de ce groupe international qui, sur le front d'Aragon, avait combattu jusqu'en 37, tout ça. Là. Il se trouve que Teyes, le bouquin qu'il a écrit sur Ponsan, c'est le même lieu, de 36 en 39, sur le front d'Aragon, mais là, ça ne concerne que des Espagnols. Il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des étrangers, si on peut dire. Il n'y a que des Espagnols qui ont... Et sur les mêmes actions, c'est-à-dire des sabotages, des infiltrations dans Saragosse, qui était extrêmement franquiste, pour sortir les gens, pour faire... Exactement de ce que faisaient les groupes internationaux. C'est une des premières idées, enfin, une des premières trucs qui m'a fait, entre autres, penser que ce serait intéressant de montrer un peu ces deux aspects, quoi, le côté des internationalistes et le côté de ces Espagnols. Quoi. Et l'autre élément aussi qui est intéressant, intéressant dans le bouquin, c'est qu'il a eu une vie militante en Espagne. Avant 36, bien sûr, c'était un instituteur de la CNT pendant la période de l'Espagne, et ensuite une période en France comme résistant. Un résistant sans armes, mais un résistant. Jusqu'à sa mort en 44, à tout niveau. Donc il a ces deux périodes, une période en Espagne et une période en France. Donc c'est aussi des aspects intéressants parce qu'on sait beaucoup de choses en Espagne, pour les gens de la CNT ou pour la guerre d'Espagne. Mais on sait peu de choses, enfin, en tout cas, ce qui nous concerne, des gens qui ont passé la frontière et qui ensuite se sont investis dans la résistance d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve que ces deux aspects-là étaient intéressants. Et le troisième, je pense, pour en tout cas par rapport à Thaï, c'est qu'il a fait un travail de recherche énorme. Je veux dire, c'est, c'est un bouquin historique quoi, en même temps. Hein, c'est, il y a 40, presque, je crois, 40 ou 50 pages de notes. Il y a plein de travail. Énorme. C'est un petit peu comme le bouquin des Fils de la Nuit, c'est quand il tombe sur un personnage, il le décrit, enfin, il resitue dans son contexte, son histoire à lui, que ce soit un franquiste ou que ce soit un républicain, entre guillemets, je veux dire, de chaque fois. Et donc c'est un peu ça aussi, ça donne un aspect historique plus intéressant. On a présenté le bouquin à la librairie à Toulouse, et il y a quelqu'un qui a dit, et la chose qui est intéressante aussi, c'est que l'aspect de la guerre d'Espagne, c'est quelque chose de relativement froid, et militaire, tout ça, avec toutes ces périodes assez dramatiques, tout ça. Et Ponsens, il est là-dedans. Alors que l'aspect Ponsens à Toulouse, en fin de la Résistance, là, il apparaît comme un être humain, en fin de compte. Il apparaît comme une personne, un être humain, avec il y a deux aspects complètement différents. Il y a une vision sur la guerre d'Espagne très dure, c'est une guerre, on va dire, mais quand il est en France, et dans toute sa période de résistance, tout ça, de passage à la frontière, ça redevient un être humain avec ses deux bouquins. Enfin, je pense que payer ça fait un travail aussi, c'est moi ça très intéressant. Après, bon, l'histoire de Ponsens, moi, c'est le militant de la CNT qui est instituteur, hein, de Huesca. Il est né à Oviedo en Asturie, mais bon, c'est pas un peu quoi. Et il participe donc dans le groupe Libertador, il participe à des inclusions dans Saragosse. Hein. Saragosse, c'est une grande ville en Espagne qui, au moment de coup d'état franquiste, n'est pas tombée entre les mains des franquistes, qui reste entre les mains des franquistes. Et donc, c'est toute la bataille que l'on sait, hein, toute la guerre jusqu'en 1939. Qui a été d'essayer de reprendre Saragosse. Donc, c'est un groupe de sabotage qui rentre dans Saragosse, de renseignement, tout ça. Et tout ça jusqu'en 38, jusqu'en 39, quand il passe la frontière à Formadam, côté de Perpignan. Il se retrouve au camp du Vernet, avec le groupe, hein, pas tout le groupe passe avec lui pratiquement, ils sont une quinzaine, ils passent ensemble, il y a une histoire aussi de cacher les armes. En fait. Dans les visions de livres, qui ensuite il les retrouve. Et il est enfermé au camp du Vernet jusqu'en mai 39, je crois, enfin, parce qu'il passe en février 39. Et c'est un militant communiste qui le sort de Varilhes, un garagiste. Parce qu'il commence à avoir des relations entre eux, parce que ce gars-là, ce communiste, avait fait déjà pas mal de boulot de passage de frontières, qui le fait sortir. Et pour ça, pratiquement, à partir de là, commence à remettre en place un réseau, non pas un réseau de ce qui est par la suite différent, c'est-à-dire de passer des gens de France en Espagne, un réseau d'Espagne en France. Parce que c'est cette période-là, la fin de la guerre en Espagne, tous les gens qui sont coincés en Espagne se retrouvent dans des camps de concentration. Énormément, ils arrivent jusqu'à 200 000, je crois. Énormément. Et dans ces camps-là, il y a des gens qui s'évadent. Donc, énormément de gens qui s'évadent, passent la frontière et viennent en France. Et son premier travail à Ponsens, c'est de faire passer ces gens-là de l'Espagne en France. Parce que comme il était dans un réseau déjà, il y avait le réseau de... Ce réseau qu'il avait monté de renseignement, quand ils ont quitté l'Espagne, la quinzaine du groupe, ils l'ont laissé en place quand même. Hein, ils avaient quand même les... Et donc ce réseau a servi pour sortir les gens. Tout ça jusqu'en 41, 42 pratiquement. 41, disons. Et après, à partir de 42, là, il commence à être... C'est là où on rentre après un truc. Il commence à être sollicité par les services de renseignement anglais pour faire évacuer les aviateurs qui sont tombés... en Europe. Et donc, ils sont payés pour ça. Hein. Je crois que c'est autour de 5000 francs qu'ils ont par personne qui sont passés. Et ils sont payés, je veux dire, dans le sens que cet argent-là leur sert à l'hébergement, à l'habillement, à la nourriture, aux faux papiers, tout ça. Hein. Je veux dire qu'ils vivent, enfin, ils racontent sa vie à Toulouse, c'est vivent, on va des pâquerettes. Et donc, ensuite, il se met service avec l'idée que Il rend service aux Anglais ou aux Américains parce que c'est américain, même au service d'enseignement français, parce que aussi en France, l'histoire de Vichy, c'était pas bien clair sur qui était qui faisait quoi, tout ça. Avec l'idée quand même que, en contrepartie, un jour ça servira pour le retour en Espagne. Et donc, ils font passer, je crois, jusqu'à 5000 personnes. Enfin, c'est énorme le nombre de personnes qui font passer. Pratiquement que des aviateurs et que des gens poursuivis par la Gestapo, choses comme ça. Pas de juifs, pratiquement, ils ne font pas passer de juifs. Et ça, depuis Toulouse. Depuis Toulouse, il organise le réseau, mais depuis aussi Marseille. C'est curieux parce qu'à Marseille, c'est à Marseille qu'il rentre en contact avec les Anglais pour se raccrocher au réseau qui existe déjà, à Marseille. Avec Renouveau, il s'appelait en français, mais qui était avec. Et donc, il fait depuis Toulouse. Et à Toulouse, on va aller un peu vite, mais on pourra après discuter parce que. Bon, il y a une situation un peu particulière qu'il faut quand même explorer, c'est que ce travail qu'il fait avec les Anglais, avec les services renseignement anglais ou américains ou français même, complètement réprouvé par le Comité national de la CNT en exil, qui lui reproche complètement de travailler pour des ennemis de classe, on va dire, enfin, Et donc, ils sont mis un peu, enfin, pas mal, au banc de du mouvement libertaire. Ils se débrouillent un peu tout seul, quoi, en exil. Et ça, il le fait jusqu'en 43, où il est arrêté à Toulouse pour faux papier. Il se balade dans la rue, il y a un flic qui le reconnaît, il l'arrête pour faux papier, et il prend 6 mois de prison. Il est condamné, il est condamné à 6 mois de prison pour faux papier. Et à ce moment-là, il est enfermé dans la prison de Saint-Michel, à Toulouse. C'est une prison qui est bien... qui maintenant est fermé, mais bon, très central. Et il reste là, il fait ses 6 mois de prison, et au moment de sortir, c'est la libération. C'est la libération. Il était dans le secteur français, puisqu'il avait été condamné pour droit commun, je veux dire. Alors que dans la prison Saint-Michel, il y avait la prison française et le secteur allemand. Et le 15 août 1944, quand les Allemands quittent Toulouse, alors c'est le gros mystère, là c'est le fou total, plus personne ne sait rien, parce qu'après il y a sa sœur qui intervient et tout ça, qui explique un peu comment elle a vécu cette période-là. Ils se retrouvent dans le secteur allemand, les Allemands embarquent, ils sont 54 embarqués par les Allemands, et amenés à 20 ou 25 km de Toulouse, à la forêt de Buzet sur Tarn. Et là, dans la nuit du 17 ou 18, ils les fusillent tous. Tous les 54, ils les fusillent et ils mettent le feu. Ils étaient une grange, un peu comme au Radostoglan, mais c'est pas une église, mais une grange. Ils mettent le feu et, à part lui et deux ou trois personnes, actuellement encore, on ne sait pas qui a été fusillé, brûlé, tout ça. On ne sait pas. Il y a un gros mystère, là. Et l'autre mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, Ponsan, il est passé du secteur français au secteur allemand. Donc après, chacun il avait ses hypothèses. Hein. Il en savait trop, il ne pouvait pas sortir vivant de la prison. Un gardien qui aurait dans le nez, qui aurait changé de secteur au dernier moment. Enfin, on ne sait pas du tout pourquoi. Lui, il a fait un travail de recherche intéressant, enfin, important aussi, puisque il a interviewé sa sœur, qui lui explique un petit peu qu'elle était confiante, lui. Hein, elle était confiante qu'au moment quand elle a entendu tirer la libération à Toulouse et qu'elle habitait à côté de la prison, elle a entendu tout le feu, elle est allée à la prison, elle était confiante de le trouver là, son frère. Et tout à l'heure, ils lui ont dit, mais non, ça fait 2 jours qu'il est parti, enfin, les Allemands l'ont embarqué. Il a fait un bon travail dessus pour essayer de comprendre un peu. Et ensuite, il y a un article du Monde qui est alors là, Stéphane. Tepo, dans les. Non, pas Tepo, l'autre. Moi, j'arrive, mais je me souviens jamais de son nom. Dans les années 90, la fin des années 90. Non, celui qui a fait l'article dans le Monde de 2005. Là. 2005. Stéphane. Il y en a deux. Les suppliciés de Buzet. Donc il parle de ça, lui aussi a retrouvé des gens, des familles et tout, parce qu'il y a des familles qui recherchent encore les corps, hein, ça va. Suite à un courrier d'un lecteur du Monde, qui était de l'Est, de Strasbourg, je sais plus, qui avait mis dans le courrier des lecteurs du Monde qu'il avait eu la sœur de Ponsan, de l'école, etc., et que la version plus communément admise que ce sont les Allemands qui auraient tiré Poncin de la prison serait fausse. Oui. D'après, c'est la sœur de Poncin. Dans le livre, c'est différent. Hein. Oui. Le télé, c'est, il brode pas, il a pris exactement ce qu'elle disait. Et sinon, à un moment donné, il y a eu un schmilblick. Et elle aurait maintenu devant cette personne-là, qui a écrit dans les courriers des lecteurs, que ça aurait été la milice qui aurait sorti Poncin de la prison. Parce que la milice. Il ne parlait pas allemand, il parlait très bien français, et elle aurait été témoin de cette histoire-là. Elle serait sortie, elle, du. Alors il y a tout un truc, elle serait sortie du brasier, vivante. Non, mais c'est pas vrai. Après, c'est pas vrai. Du coup, ça démolit la théorie entière, parce qu'elle n'était pas dans la. Parce qu'elle vient chercher son frère après. Mais est-ce que la théorie entière est fausse, quoi? Et donc le journaliste allemand a fait un article là-dessus sur les sites de musée. Il a interrogé beaucoup de gens qui recherchent encore, qui n'arrivent pas à savoir où sont passés leurs parents, ou leur mari, ou leur grand-père, je ne sais pas. Et pour voir si dans ce abusé, ils auraient pu retrouver. Et ils ne les ont pas retrouvés. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas pu identifier. Ils ont su qu'il y avait des femmes à cause des baleines de soutien-gorge. Autrement, ils ne savaient pas si c'était des femmes ou des hommes. Hein. Vraiment, ça a été. Et. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et donc, maintenant, abusé, il y a, dans ce village-là, il y a une sorte de lieu là où ils ont. Il y a quelques photos, entre autres, il y a la photo de Poncin, il y a la photo d'un capitaine, l'armée française aussi. Il y a deux ou trois photos comme ça, qui rappellent un petit peu le massacre qu'il y a eu. Voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, l'histoire. Résumé de son histoire. Antonio aussi. Ben, Thaïs, moi je le connaissais un petit peu, mais c'est difficile à connaître ce que vous avez. Non, pour introduire, c'est dire qu'il a écrit plusieurs livres en langue espagnole. Il y en a, à ma connaissance, il n'y en a que deux qui sont traduits. Sabaté et celui-là. Un sur Sabaté. Ouais. Et son travail, apparemment, ça, c'est de s'être intéressé à des gens qui n'étaient pas dans la ligne officielle de la CNT. C'était des guérilleros pour continuer le combat. Après la victoire de Franco. Oui, et bon, il a fait un gros travail là-dessus. Et en espagnol, il a une dizaine de livres à son actif. Et d'ailleurs, ce livre sur Poncin existait depuis 96. Hein. 96 en espagnol. Donc il n'avait jamais été traduit, c'est pour ça que nous on sait plus. Alors pourquoi qu'il est sorti chez vous, c'est pas chez Anselmo Lorenzo. Non, mais je pense que c'est ça. Hein. Oui. Il n'était pas un nom de recentrée, quand même. Alors qu'ils vont voir à Toulouse, etc. Rien à Toulouse. Sur lui. Donc, effectivement, le mouvement libertaire anarchiste espagnol à Toulouse est important, très important. Traversé, tu le connais bien, de tous ces débats dont tu parlais, il y a eu une espèce de chape de plomb, quoi, là-dessus, hein, comme il y avait sur Sabaté. D'ailleurs, il y a un lien, moi, je trouve, entre Les Fils de la Nuit, tu le disais, ce livre, et moi, c'est un peu mon dada, mais je pense qu'il y a un lien avec celui-ci aussi. Parce que les armes qui sont dans le bidon de lait, que Jean-Marc Crouillon récupère au début des années 70, ben c'est les mêmes. C'est celles qui datent, elles font le parcours. Et ces bouquins sortent en fait en deux ans d'intervalle, on est sur le même sujet, quoi. Et en fait, il les récupère chez un des vieux, je ne sais plus lequel, de cette tendance-là, des gens qui étaient en rupture, quoi. Ceux qui ont continué jusqu'à 60, 61, comme ça battait, avant de se faire prendre en Espagne, tout leur passage. Et eux, oui, vont continuer ça, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'Espagne va devenir le Saragosse de la guerre d'Espagne, mais toute l'Espagne tout entière. Oui. Et la base arrière française, l'Ariège d'ailleurs, ça va être la même, hein, Barriès, tu parlais de Barriès, là où d'ailleurs Sabaté avait sa ferme, où il va entreposer aussi ses affaires, etc., pour passer de l'autre côté, c'est le même processus. Et en fait, c'est des processus de clandestins, toujours, hein, pensant dès le début, pendant la guerre d'Espagne, son boulot, c'est ça, c'est. Je rentre dans les lignes ennemies, et puis j'essaye d'exfiltrer les copains, tous ceux qui vont se faire fusiller si on ne les sort pas, etc. Enfin, bon. Et il va continuer, et c'est le même boulot qu'il fait en France. C'est vrai qu'il n'a pas la même image, parce qu'il devient résistant, il n'est plus dans. C'est pas le même cadre politique, quoi. Mais en fait, il fait le même travail. Tout le pognon qu'il va essayer de. Qu'il ne va pas utiliser pour lui, mais qu'il va mettre dedans, parce qu'il y aura des accusations. Hein. Parce qu'il fait raquer, quoi, les Anglais, il les fait raquer. Alors on lui dit qu'il ne faut pas travailler avec les Anglais, et les mêmes qui ne veulent pas travailler avec les Anglais sont d'accord pour travailler avec les communistes, les socialistes espagnols. Bon, Il dit, on met de côté, et tout ça, ça va servir pour... Son gros truc, c'était retourner en Espagne. Ça, c'était clair, quoi. Est-ce qu'il a participé au retour, là, du combat du Val d'Aran? Non, ben non, lui, il meurt avant. Ah, mais il est mort, oui. Bah, oui, non, non, juste avant. Mais je pense qu'il aurait pas fait, parce qu'il il n'a jamais voulu travailler avec le Parti communiste, hein. Il travaille beaucoup avec Benazé, mais Benazé, il a une grosse amitié avec lui parce que bon, il le sort. Et puis c'est un gars, individuellement, il s'engage totalement, quoi. Hein. Mais avec le Parti communiste, il refuse de travailler. Donc je pense que Valdaran, il ne serait pas allé. Taïe c'est bien, il est au Valdaran. Il y était, mais bon. Pour en revenir au début, c'est quand même que pour la CNT, c'est un mouvement anarchiste, tout ça, il y avait quand même, bon, on peut le qualifier d'espion. Ah mais c'était ça, c'était un service d'espionnage. Donc il y avait un service d'espionnage à la CNT. Oui. Mais en Espagne, oui, puisque de toute façon, ils en avaient besoin pour les renseignements pour l'armée, tout ça, enfin pour les ministres, tout ça. Mais en France, ils ont considéré que non. En France, ils ont considéré que c'était deux impérialismes qui se battaient, qu'on ne pouvait plus à se mettre tout ça. Après, bon, moi je le dis plus rapidement, je dirais, il faut avoir vécu l'époque et tout. Hein. Il faut savoir aussi que les Espagnols, ils les renvoyaient en Espagne aussi. Hein. Donc il y a des gens qui ont été prudents, peut-être trop prudents, ou peut-être tout ce qu'on voit, et d'autres qui sont beaucoup plus mouillés. Mais en tout cas, officiellement, la CNT ne lui a pas donné l'aval pour continuer à s'impliquer dans ce... Dans ce et pour compléter sur l'Ariège, j'ai essayé de retrouver tout à l'heure, je n'ai pas noté, le pourcentage des résistants espagnols dans les maquis d'Ariège. C'est une grosse majorité d'Espagnols. Les maquis d'Ariège, en grosso modo, c'est 70% d'Espagnols. Donc, ils étaient pour cette résistance, etc. Après, il y a tous ces têtes politiques, des gens qui avaient d'autres stratégies et tout, mais à la base, c'est vrai que bon, dans le Cantal, il y a eu beaucoup de gens sur les barrages, etc., ceux qui travaillent sur les barrages, qui ont participé à la résistance. C'est un phénomène méconnu. Alors, ça, c'est comme. C'est une pierre de plus, ça, parce qu'on en a parlé il y a quelques années, au moment du 45, 50. 2005 Paris, non ? Ouais, voilà. Ceux qui étaient dans la colonne Le Père, bon, voilà. C'est là où pas mal de gens ont découvert qu'il y avait des anarchistes espagnols qui avaient libéré Paris, en plus, dans le camion de tête. Et bon. Il y a dans le bouquin, il y a une personne, enfin, c'est une gamine à l'époque qui s'appelle Jaya Binuela. Benuela, c'était le copain à Paul Saint, qui lui n'a pas pu passer la il y a aussi un instituteur, qui était le Ouesca aussi, qui n'a pas pu passer la frontière. Et à la perte de Catalan, tout ça, il s'est retrouvé, lui, avec d'autres gens, 32 000 personnes, je crois, coincés dans la poche d'Alicante. Là. C'est-à-dire qu'ils attendaient des bateaux qui ne venaient plus, donc là, les franquistes ont ramassé tout ce qu'ils ont mis. Et son père s'est suicidé là, avec un autre, vis-à-vis comme ça, l'un qui a tiré la tête de l'autre, ils se sont suicidés tous les deux. Et elle a maintenant 82 ans, elle vit à Toulouse. Et elle est toujours chercheur de bain. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que pour revenir à l'histoire de la Nueve, le fait que Ponsan ait ce truc un peu mystérieux qu'il ait changé de secteur, qu'il a été fusillé alors qu'il avait été condamné que pour des faux papiers, elle dit, alors c'est sa théorie, elle dit que Leclerc à ce moment-là, il était très. Enfin, il appréciait beaucoup les Espagnols. Je veux dire que pour lui, il a fait la guerre avec les Espagnols. Et donc, et Leclerc est mort dans un accident d'avion quand il partait en Indochine, je veux dire. Alors elle fait tout un truc en disant, Ponsan, ils l'ont tué parce qu'il en savait trop, et Leclerc aussi, quoi. Hein, je veux dire, bon. La théorie du complot. Elle est un peu comme ça. Mais elle a vécu avec lui, Zaika, dans les maisons des maisons qu'ils avaient à Toulouse, là, qu'ils avaient été loués en plein des cachets. Il a vécu avec eux, il a été toute petite. Hein. On a eu des témoignages à Gaillac aussi, de deux, quand on y était, là, de copains que tu connais, là, qui sont âgés maintenant, hein, ils ont 90, 80, 90 ans. Petite, elle était jeune fille quand même. Moi j'ai ma soeur qui a 82 ans. Elle était jeune fille quand elle devait. Non, mais elle était toute jeune, elle devait avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être. Oh, toute jeune, c'est 82, elle était adolescente. Les deux personnes qu'on a rencontrées avaient connu Ponsan, eux, en Espagne. Les anciens militants de la CNT espagnole. Et ils racontaient, alors c'est, ils connaissent le personnage, c'est complètement différent, pas dans la littérature, dans le, Il me racontait comment ils venaient chercher du matériel dans le village, ils étaient du même village, d'Aragon, et ils le voyaient, ils chargeaient les camions, etc., avec son groupe et tout, ils avaient un rapport, ils étaient adolescents, ils étaient connus. Il avait 26 ans, quand il était comme ça. Et voilà ce qui m'avait frappé, parce qu'il y a eu une expo qui a été montée par l'an dernier sur les réseaux d'évasion, donc parce qu'il y en a d'autres, le réseau d'évasion, c'est une grosse en état, et qui a été montée par la principauté d'Andorre, où vit encore un des derniers survivants du réseau d'ailleurs. Et bon, l'expo très bien, c'est bien présenté, et il y avait le réseau Pensant, c'est écrit gros, Francisco Pensant, instituteur anarchiste. Dès que tu es en France, tu vois instituteur anarchiste, ouais. C'est institutionnel. Tu dis ça aux parents, ils meurent là. Et là, tu as une expo, et là-bas, en Espagne, c'est un honneur, tu vois, c'est un truc. Donc c'est vraiment différent, quoi. Deux mots qui ça va ensemble, quoi. Il y a ce. Et ça, c'est puissant aussi, tu vois. C'est instituteur. Parce que anarchisme dans l'éducation nationale en France, c'est. C'est le diable, tu vois. Et l'Expo, elle a été payée par le... La principauté ? Non, le communal de Catalogne. Ouais. Dans le plan du bouquin, là, je peux rajouter, il est chronologique. Alors, ce qui est bien, parce que j'ai vraiment fait un boulot, c'est une histoire sérieux. Il y a 10 ans, quoi, de 10 ans de combat, avec le rappel de grands, ce qu'on va dire d'Espagne, le Front d'Aragon, les colonnes, tout ça, avec le début. Jusqu'à la forêt de Buzet. Oui, c'est un parcours fabuleux. Quoi. Avec, il a traversé toutes ces contradictions-là. Quoi. Ce côté-là, oui. Sur quelles archives il a travaillé, qu'est-ce qu'il avait comme document? Parce que, par définition, tout ce qui est secret comme ça, ils ne doivent pas trop écrire ce qu'ils font. Mais à la fin, on m'en le peut être envie, je vais comprendre lui dire, mais il y a des listes de noms. Mais Ponsan avait des cahiers. Oui, oui. Des cahiers de Ponsan sont actuellement au musée de la Résistance à Toulouse. De la Résistance à Toulouse. Enfin, ils n'y sont pas tous, il y en a deux. Et toutes les photos qui sont là-dedans, enfin, le cahier de photos, il y en a une quinzaine à la fin, elles sont dans le bouquin, dans le cahier de Ponsan, parce qu'il faisait une photo pour les papiers, et il gardait une photo pour lui. Et donc il a gardé comme ça énormément de photos, il avait énormément d'archives à ce niveau-là. Je sais pas, là c'est quand même. En tout cas, ces photos, elles sont archivées. Et il y a le. Ben, c'est comme là, je vais les retrouver pour une quinzaine d'entre elles. Hein. C'est les noms de tous les gens qui l'ont passé, c'est ça? Ah, mais c'est les gens qui étaient partis après. Tu veux dire, les photos, ils sont plus là. Comment? C'est les gens qui faisaient évader, donc ils étaient partis après. Oui, oui, ils étaient évadés. Voilà, c'est là. Là, là. En Angleterre, généralement, ou là, il y a... ou en Amérique du Sud. Donc, voilà. Et là, comme ça, il y en a deux cahiers pleins. Et ils sont pas toutes deux cahiers pleins. C'est c'est pour facturer. C'est sa sœur qui a remis toutes ces archives-là. Il n'y a pas grand-chose comme archives, mais en tout cas, c'est curieux d'avoir ces deux cahiers de photos avec mes noms en face. Je pense que c'est des vrais noms, parce que bon... Il était payé pour 500 c'était énorme, il fallait la photo. Ah oui, non, mais automatiquement. D'autant qu'ils travaillaient, comme je disais, les réseaux étaient... Ils travaillaient avec les Marseillais, donc... Il y a eu un réseau américain. Ouais, voilà. Je sais pas s'il y avait un rapport, parce que dans le bouquin, justement, de l'américain, là... Il parle d'une connexion avec Toulouse à un moment donné, je n'ai pas réussi à trouver si c'était avec le réseau Pensant, et ils ont du mal à travailler avec eux, parce qu'il y a un type pas fiable à Toulouse, etc., qui veut faire du pognon sans... Enfin bon, mais il n'y a pas de nom sur le réseau sans... Il est intéressant ce bouquin aussi. Et par contre, ce qu'il dit bien à un moment donné, avec le certain Robert Thérèse, là, qui est quelqu'un qui travaille à Vichy, oui, j'aime plus, oui. Qui est qui fait partie d'un groupe de résistants à l'intérieur de Vichy, et qui, lui, justement, permet au groupe Pensant, dès qu'il est arrêté, à les faire sortir. À chaque fois, de prison, de là où ils sont arrêtés, tout de suite, dès qu'ils sont pris, pas avant qu'ils soient dans une grosse prison. Et voilà. Il y a toute une aide comme ça qui se fait. Après, il va se faire griller, Thérèse, il va être obligé de de passer dans la clandestinité. Mais pendant un temps, tout ça, c'est... Pour le sang, il travaille comme ça. Avec ce petit groupe qui est infiltré dans Vichy, lui, il infiltre... Enfin, c'est vraiment un réseau d'espionnage, quoi. Et de non, quoi il vivait fou, Je pense qu'il prenait sur... Il prenait sur le... Ça occupait l'essentiel de son temps. Oui, oui. Après, une question que je me pose là, c'est est-ce que l'Espagne de Franco fermait les yeux sur tous ces Anglais américains qui passaient sur son territoire, qu'ils avaient passé les Pyrénées? Beaucoup d'entre eux, ils les arrêtaient quand même. Hein. Ils les arrêtaient, mais ils les gardaient pas, parce que Franco, déjà, il commençait à comprendre qu'il avait sa carrière à jouer. Il jouait sa carrière, là. Ouais. Et donc, ils les arrêtaient, parce qu'il fallait bien qu'ils marquent le coup, mais ils n'ont jamais condamné qui que ce soit. Hein. Et après, ils partaient par le Portugal. Le Portugal ou par Gibraltar. Voilà, non. D'ailleurs, les évasions sont bien racontées sur celui qui est encore survivant, là, Catala. Catala, il raconte qu'il s'est évadé trois fois, je crois, même passé la gueule par les fenêtres et tout, il a failli passer. Et lui, tout seul, il s'est évadé, effectivement. Un chapeau en Espagne, il passait. Ah non, mais parce que lui était espagnol. Lui était espagnol. Donc, d'un des membres du réseau, qui vit encore. Ouais. Qui vit encore. Bon, j'ai lu quelque part que Franco avait protégé les gens de nationalité espagnole en France au moment de l'appel pour le service du travail obligatoire. Est-ce que vous avez lu ça quelque part? C'était où? Je ne peux pas vous dire où je l'ai lu, mais ça m'avait frappé. Au premier départ, Franco, on a dit les gens de nationalité espagnole qui sont en France ne partent pas au rescue. Je ne crois pas, parce que, enfin, je ne sais pas, déjà, moi, il est certain que les Espagnols qui ont arrivé en France, après 1942 surtout, ils sont tous partis à Matosène. Hein. Attendez, que Franco, auprès du gouvernement Pétain, aurait appuyé pour que les Espagnols de nationalité espagnole ne soient pas appelés au service du travail obligatoire. Ah, c'est possible. Si vous voulez, c'est possible, mais je veux dire. Protection par Franco, ça paraît. J'ai lu ça quelque part, c'est pour ça, étant donné que vous avez bien étudié cette période. Et après, il y avait l'entreprise Top qui a vraiment puisé dans les camps. Ça peut s'expliquer parce que Pétain était ambassadeur en Espagne sous Franco. Et ce qu'on peut. Je sais pas, c'était des hypothèses là, mais. Franco, je ne dirais pas qu'il est protégé, mais on peut imaginer très bien que Pétain demande, enfin, avait besoin de travailleurs à échanger avec l'Allemagne, donc il n'est pas à mettre dans les fours, pour parler, parce que ce que disait Juanito, c'est que les Espagnols, dès qu'ils étaient Mauthausen, donc ils préféraient les utiliser sur le mur de l'Atlantique, dans le Cantal, faire les barrages, dans ces là, et puis d'un autre côté, il avait une monnaie d'échange, ça, il y a peut-être un deal là. Comme ça. Mais de là à parler d'une protection. Les compagnies de travailleurs étrangers étaient toujours sous Pétain. Quand ils sont certains Espagnols, quand ils sont sortis des camps, étaient dans des compagnies de. Une forme de STO intérieur. Voilà. Et est-ce que ça continuait sous Pétain? Oui, ça continuait. Il n'y avait pas besoin de STO. Mais les Français partaient STO. Oui. Puisque c'était un pour un, la France. Ils libéraient un militaire. C'est possible qu'il y ait des. Vous posez la question. Les Espagnols, alors c'est bon, après un peu le truc, les Espagnols en exil, les hommes, ils les ont pressurisés en France avec le mur atlantique, les entreprises autour de tout ça, et en Espagne, ils ont fait la même chose. Hein. Les 200 000, je ne sais plus combien, détenus qu'il y avait dans les camps en Espagne, ont été utilisés comme des esclaves. Hein. Enfin, Franco les a utilisés comme des esclaves. Hein. Je veux dire que le camp républicain a sué 100 euros, autant en Espagne qu'en France, hein, au niveau du boulot, là, du travail. De l'exploitation. On peut peut-être toujours, pendant qu'il y a un blanc, je veux dire qu'il y a le monde diplomatique qui a hésité cette semaine sur le film. Voilà, un bon article sur les anarchistes, 5 pages. une bonne série d'articles, dont notamment un qui concerne l'Espagne, la CNT, les clés des lignes espagnoles, que j'ai trouvé très intéressant. Ouais. Sur les conflits qu'il y a eu entre l'exil et l'intérieur. Moi j'ai lu le bouquin là, de Rinda, hein, qu'il a écrit en espagnol. C'est sur la CNT en Espagne de 1937 à 1975. Et c'est. Bon, mis à part la répression qui a voyagé toutes les périodes, jusqu'en 1947, la répression sur les militants de la CNT a été en Espagne assez soft, on va dire. Bien qu'ils nous ont réprimés quand même. Mais à partir de 1945, hein, les portes ouvertes. Hein. Dès que Franco a su qu'il était tranquille, ils ont réglé le problème. Enfin, ils ont essayé de le régler. Et donc il y a cette période-là qui racontait le bouquin. Et ensuite, les conflits, si on peut dire, qu'il y a entre la CNT qui reste en Espagne et la CNT en exil. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve. Enfin, bon, je ne voudrais pas non plus. De 1939 à 75. Jusqu'en 1956, la CNT en Espagne c'était chaque fois reconstruite. Chaque fois qu'il y avait une répression, un comité qui tombait, c'était après 1956, non, parce qu'ils ont vraiment épuisé les leaders, les gens qui étaient vraiment très actifs. Hein. Et à partir de 1956, la CNT organique a disparu d'Espagne. Mais c'est lui, il raconte il décrit ces relations qu'il y avait entre ces comités nationaux qu'il y avait en Espagne et le comité national exil. Entre autres, moi, ce qui m'a un peu resté en mémoire, c'est que l'exil avait dit qu'à partir du moment que la CNT se retrouve en France, en exil en tout cas, et que donc ils reprenaient leur bille sur tous les accords qu'il y avait eu pendant la guerre avec des autres partis ou syndicats de gauche. Enfin, okay. Alors que la CNT à l'intérieur disait non, tant qu'il n'y a pas un congrès en Espagne pour évoquer tous ces accords, on continue à avoir des relations. Et la CNT qui est restée en Espagne, c'est là où on rentre un petit peu, on retrouve un moment des trucs, la CNT qui était restée en Espagne était quand même sur un niveau de revendication, d'action, on va dire, assez. C'était davantage de essayer de reconstruire la CNT, remettre en liaison les comités et redynamiser un peu les militants. Alors que une partie de la CNT, enfin la CNT ou des militants libertaires, on va dire, comme Sabaté et tout ça, renvoyait en Espagne des gens dans des sabotages, tout comme ça. Et chaque fois qu'à Barcelone, ça a été terrible à ce niveau-là, hein, parce qu'à un moment donné, la police était tellement au courant des gens qui passaient la frontière. Enfin, ils ne faisaient pas en Espagne, ils étaient au mieux arrêtés. Quoi. Et donc en Espagne, ils commençaient à leur dire, mais arrêtez d'envoyer des gens, ça ne sert à rien, on est complètement piqué, on ne peut plus bouger ici. Et donc il y a eu ce conflit aussi entre l'intérieur de l'Espagne, qui. Moi c'est quelque chose que j'ai appris. Dans ma petite tête, je pensais que l'exil, la guerre et l'exil avaient épuisé toute force communiste en Espagne. Alors que c'est complètement faux, hein, complètement faux. En Espagne, le copain qui vit à Barcelone, qui a vécu jusqu'à 56 à Barcelone, disait que jusqu'à cette période-là, Barcelone, la CNT était encore organisée. Les gens cotisaient. Alors c'était vraiment au niveau des cotisations, des manifestations vraiment très clandestines, des choses comme ça, mais elle existait. Après 56, puis après 56, ça a commencé à fonctionner en Espagne, les commissions ouvrières. Il y a une autre. Une autre génération de travailleurs qui est arrivée sur le marché du travail, qui n'ont pas connu la guerre, qui ont connu la répression et tout ça, il a commencé à se développer des commissions ouvrières. Et c'est là aussi où, enfin, je ne vais pas faire le procès de l'exil parce que j'ai vécu, j'ai fait partie de tout ça, mais je veux dire, historiquement c'est intéressant, et au niveau, c'est ce sens-là que je voudrais que ça soit entendu, que je veux le dire, quoi. C'est quand même intéressant de voir comment on en est, ce qu'on dit, c'est la tactique, practica et tactica, ça s'appelle, hein, stratégie. Comme à un moment donné, les stratégies peuvent bouger, quoi. Et les pratiques aussi. Et ça, c'est vrai que la CNT en exil a été plus rigide à ce niveau-là. Alors que certains moments, en Espagne, ils ont été obligés de bouger les lignes pour continuer à essayer de survivre. Et entre autres, à partir de 56-60, quand les commissions ouvrières ont commencé à agir en Espagne, les militants de la CNT se sont mis là. Mais la CNT d'exil ne voulait pas. Il disait qu'il faut reconstruire la CNT, il ne faut pas reconstruire, participer à la reconstruction de quelque chose qui ne sera jamais ce qu'on est. Quoi. Et donc il y a des conflits extérieurs, de l'intérieur de l'exil, qui peut-être peut expliquer un petit peu ce qu'on vit maintenant, monsieur. Ah, oui. Là, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, dans les conflits, quand il y a un moment, il y a eu plusieurs CNT, il y avait ceux qui continuaient la discussion entre guillemets collaborationniste, qui oui, le oui, gouvernement oui. républicain en exil. Et tu dis, c'est ceux en Espagne qui étaient contre et ceux en France pour ou je Non, pas, je pas en Espagne, en Espagne en ils étaient pour en Espagne. Ils étaient pour quoi la collaboration continuer à garder les accords qu'il y a eu pendant la guerre. Il y avait les deux tendances en France, voilà. aussi. Oui, il y avait les tendances en France. Dans les intérieurs de l'exil du MLE, mouvement de libération. Oui, toutes les scissions qu'il y a eu. Il y avait les deux tendances. Mais il y avait deux tendances en Espagne aussi, quand même. Des gens comme Sabaté qui passaient la frontière, ils avaient quand même des relais, je veux dire, ça existe aussi. Cette division explique même, à mon avis, la fragmentation du mouvement libertaire espagnol aujourd'hui à Toulouse. À Toulouse, oui. Elles sont issues de là et elles s'en réclament encore de la même manière. Quand on a sorti, nous, on en rigolait parce que. On ne pensait pas que c'était avec ça que ça allait déclencher le bordel. Quoi. Oui. Le premier qui va écrire sur les collectivités, nous on a réédité les collectivités espagnoles. C'est un document de 1937 écrit par les ouvriers qui ont collectivisé les boîtes en Catalogne et en Aragon. Et c'était un document historique qui n'avait jamais été réédité, donc on réédite. Et on fait une préface. Et on... Il n'avait pas été réédité en France. Si, il avait été réédité en 65 en France. Par la CNT en exil. Par une tendance de la CNT. Oui, oui, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que ça a foutu le merdier. Par une des tendances. Alors, on fait ce boulot, puis on parle d'autre chose, et puis on va encore. Ça va foutre le merdier, quoi. Et puis, poum, on sort le bazar, boum. Internet. On l'a mis sur une dimension. 10 pages et tout. Qu'est-ce qu'on reprochait alors, déjà, à nous, historique. Qu'est-ce qu'on voulait faire l'histoire du coquelicot. On va passer un peu plus du coquelicot. C'est pour faire des liens. Donc, parce que c'était nous qui le sortions et que le coquelicot, dans l'esprit de ces gens-là, au départ, était l'émanation d'alternatives libertaires. Qui sont un mouvement bien connu, social-démocrate, pour. C'est toi. C'est pas de la tendance. C'est voilà, je te dis sur quoi ils se basaient, quoi. Ah, c'est eux qui le disent, c'est oui, pas oui, ça. Oui, c'est oui, pas oui, d'accord, c'est écrit. Bien, tu dois encore en discuter, mais. Alors que, bon, le coquelicot, elle n'a jamais été. Il y avait effectivement, au départ de 1995, des gens qui cotisaient à elle, mais c'était un groupe ouvert, et bon, voilà. Un groupe libertaire où il y avait beaucoup de gens sans casquette, quoi, libertaires. Et la majorité, d'ailleurs. Et bon, bah, eux, par contre, ils n'avaient pas oublié qu'un tel, un tel, et donc, du coup, ils faisaient un lien direct, comme quoi... Vous interdisiez le droit, suivant les La tonalité, c'était ça, c'est, puisque ça vient d'eux, qu'est-ce qu'ils viennent foutre avec ce document, qui est par ailleurs, super document, pour eux, voilà. Ah oui, donc c'était pas à nous de sortir ça, ils étaient propriétaires, quoi, tu vois. Bon, comme ils ne vont pas en justice pour ce genre de conneries... Pour plus ça appartient à non, personne, si ce n'est aux ouvriers qui, à l'époque, l'avaient sorti, parce qu'au moins, en 37, et on s'est dit, merde, c'est par là que ça passe, quoi. Alors qu'on avait, pour le coup, pas écrit une ligne, nous, là-dessus. Un commentaire comme ça, quoi. Et on avait mis même la préface de 37, celle de 65, et la nôtre. On s'est dit, comme ça, on va être tranquille. Là, c'est tombé comme ça. Bon, pour dire ça. Ça va disparaître avec les générations qui vont disparaître. Mais on y a cru ça. Non. C'est bizarre, c'est un truc. C'est fou. Y compris par chez les jeunes maintenant, qui justement, comme ce que Juanito disait beaucoup, c'est comme ils cherchent une espèce de. Passe par cette case-là, de pureté dans le sens du dogme de l'époque et tout, stratégie tactique, et puis bon, présent, qu'est-ce que tu fais, etc. Ils reviennent, la CNT avec cette position-là, la bonne CNT, c'est ça. Et ça, il y a des jeunes qui accrochent à ça parce que, il y a ce côté mythique, Durruti, le Front d'Aragon. Voilà. Et ça a même contaminé le mouvement toulousain, en fait. C'est pour ça que, donc, si tu veux, c'est plus porté, même dans l'exil, béni par des petits-enfants d'exil, d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas dans ces groupes-là. Mais c'est, donc, à Toulouse, tu as toutes les factions. Bon, ça, c'est quasi. Oh, il ne faut pas grand chose pour le réveiller. On a, c'est toujours la guerre, on a dans le meilleur c'est fou, quoi. Moi, je suis intéressé par des personnages. Je veux dire, des personnes qui sont dans des situations particulières et que, comment ils peuvent partir d'une idéologie très qui m'intéresse beaucoup à moi, et puis dans la trajectoire, ils se comprennent des choses et ils prennent une décision. Et alors, c'est pour vous parler du prochain bouquin qu'on va peut-être traduire et sortir. C'est de Mera, Cipriano Mera, je ne sais pas si vous avez Cipriano Mera. Cipriano Mera, pour faire vite comme ça, c'est un ouvrier du bâtiment. En 1936, il est en prison à Barcelone, à force d'avoir l'univers de la CNT et tout ça. Il est en prison, il y a le coup d'État, les copains le libèrent. Et à partir de ce moment-là, il reste en Madrid tout le temps. C'est un ouvrier de la construction à Madrid, il reste en Madrid tout le temps. Il démarre, il sort de la prison, alors il raconte c'est les mémoires, il raconte, mais c'est pas, les copains le prennent, on va tel endroit, il y a eu un truc, il faut arrêter la craser, on fait tout ça, ta. Et de fil en aiguille, en 3 ans, il devient général de corps d'armée. Alors, bah, il faut le dire, comme ça c'est rapide, je veux dire. Mais c'est très rapide. Il y a eu des ministres anarchistes qui ont été généraux. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que il s'est retrouvé. Et alors, bon, il devient. Après, il est exilé, il s'est retrouvé en Algérie, la police française le renvoie en Espagne, il est jugé, condamné à mort, enfin, depuis la aiguille, en 47, il sort de prison. Il quitte l'Espagne parce qu'il était emmerdé, quoi, je veux dire, il ne laissait pas vivre. Mais, quitte l'Espagne, il s'exile à Paris. Il est à Paris. À Paris, il arrive, il remet le travail, la truelle, et il est mort comme ça. C'est-à-dire que. Alors, on peut dire, c'est vrai que. Et puis, il raconte toute la bagarre de Marie entre d'un côté les franquistes, de l'autre côté les communistes derrière. Je veux dire, il était coincé. À la limite, il laisse entendre un petit peu, mais bon, qu'il accepte tous ces postes-là, le fait même de la militarisation. Il dit par exemple les premiers 3 mois de la. Parce que Marie a été encerclée tout de suite. Hein. Elle a résisté 3 ans. Hein. C'est le dernier bastion qui tombe, le dernier qui tombe. Elle a résisté 3 ans. Il dit que les 3 premiers mois, les gens ne se faisaient plus comme des mouches. Ils avaient parti tous avec chemise, je veux dire. Ils avaient une fusée de chasse. Ils se confrontaient à une armée. Et il a dit c'est pas possible, si on continue comme ça, ils vont nous décimer. Et c'est là qu'il commence à expliquer qu'il faut quand même donner un minimum de destruction militaire aux gens pour éviter de se faire tuer comme une lapin. Et donc, voilà. Alors, destruction militaire, après, les chefs des milices nommés par leurs compagnons, ils leur donnent un grade. Enfin, depuis l'année 8, ils se retrouvent chez le général. La police ne marche pas, n'est-ce pas, en avis. Voilà. Mais moi je trouve intéressant parce que ils sont pas restés en se disant non, ça va, j'y vais plus parce que là, à partir de là, ça. Non. Ils sont allés jusqu'au bout et certains se sont retrouvés dans une situation. Oui. Bon, les ministres diraient que. Bon. Mais. Je veux dire que ils n'ont pas été trop entraînés. Je veux dire, ils sont. Enfin, comment dire. Moi je pense que Mera, lui. Il a répondu chaque fois à des situations qui s'amplifient de plus en plus, et qu'il fallait qu'à un moment donné, il réponde lui et d'autres gens, il n'est pas tout seul, hein, répond de plus en plus avec des moyens adéquats à la période. Il faut considérer comme ça. Voilà. De l'anarchie et puis c'est fondamental, on les décline selon les situations en fait. Et devenir général du corps d'armée, mais ça, je sais pas, bon, c'est un grand mot là, mais bon, dans les colonnes, bien sûr que c'était des colonnes militaires, mais en même temps, je veux dire, qui étaient alimentés par des paysans, des ouvriers, des gens qui n'avaient pas de formation militaire. Et en fait, à un moment donné, il y a même eu des cadres de l'armée qui venaient comme conseillers techniques dans les colonnes. Ça, surtout les communistes qui avaient des commissaires. Oui, c'est l'anarchiste aussi qui a eu ça. À un moment donné, où justement, les municipalités s'organisaient. Mais là, en fait, ce qui est intéressant dans les municipalités du Sud, c'est qu'en fait, lui, en tant qu'anarchiste, il s'est approprié la technique militaire. Parce qu'il fallait bien. Mais c'est pas pour ça qu'il n'était pas anarchiste. Je veux dire, mais ce sont des outils sur un terrain où il y a une armée en face. Il faut bien se battre avec les armes qu'il faut, quoi. Tu vas te battre avec ta trouvette. Ah, mais je pense que lui appelle de son... Je trouve que c'est... Bon, c'est ils, pas ils ont péri ses 3 ans à Madrid, à cause de ça aussi, quoi. Surtout que de ces militants anarchistes, ça, c'était tous des objecteurs de conscience, je veux dire, des pacifistes, je veux dire. Souvent, c'était ça, hein. Et donc, ils se sont, les premiers sont perchés complètement. C'est là que vous commencez à dire. Non, pour revenir à ces adaptations, la guerre est terminée, il le dit lui-même, hein, la guerre est terminée, mon costume de militaire, il l'a foutu au placard. Hein. Il n'a plus. Après, il a repris le boulot de travail. Hein. C'est là que lui, il sort du truc, après, les communistes, les Lister et compagnie, ils sont, restés avec leur, ils sont morts de leur costume. Hein. Ils ont été comme ça. Mais non, c'est là où où je trouve intéressant, c'est ça. C'est qu'il y a une situation et comment on y répond. Est-ce qu'on y répond sur les puretés des idées, comme ça, ou est-ce qu'on se donne les moyens de résister au maximum ou de... Après, par contre, oui. Et actuellement, c'est toujours le même problème entre les puristes et ceux qui s'adaptent à la situation. Mais il y a un autre problème, c'est souvent qu'on a un peu... Les fondamentaux, ils sont même gargaudés et même plus déclinés. Bon, après ça, c'est un autre problème. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Cyrano, là, pour revenir en Europe, enfin, pour venir, non, pour continuer sur Cyprien, il fait quelque chose après, quand il est à Paris, où il fait quand même le milieu libertaire, il fait des choses. Très peu. Très peu. Mais il a des amis. Oui, il cotise, tout ça. Quand même dans le milieu, quoi. Bon, alors, moi je ne connais pas trop l'histoire, mais il lui sort une histoire, il a encore une fois du métier national, hein. Il lui sort une histoire derrière les fagots, qu'il est obligé de se retirer à Saint-Étienne, il ne peut plus cotiser. Mais au départ, quand il arrive à Paris en 1947, oui. Ah, d'accord. Moi je ne connais pas les aboutissants. Oui, non, mais c'est une période très compliquée. Mais là, c'est vrai que comme lui, il a prôné la militarisation des milices, pour ces raisons-là. Hein. Il l'a prôné, il l'a défendu. Je pense que Doulou, tu aurais fait la même chose. Hein. C'est ce qu'il laisse entendre. Hein. Donc, je veux dire qu'après, quand les fondamentaux reviennent à l'ordre du jour, je veux dire, peut-être du moins cette orthodoxie, on va dire, revient à l'ordre du jour, tous ces gens-là qui, à un moment donné, se sont retrouvés impliqués dans des situations particulières de militarisation, de bon sens avec les renseignements. C'est pour ça que j'ai rectifié, donc je voulais parler d'orthodoxie, fondamentaux, non, d'orthodoxie, c'est pour ça que j'ai... Et quelqu'un comme Federica Montseigne était dans quelle tendance? L'arbre en fenouil. Elle fait une croix sur ce qu'elle avait fait. Je ne sais pas si elle a écrit après sur soi. Il faut aller sur Internet pour ceux qui l'ont. Et il y a sur le site, je crois que c'est sur le site de la CNT AIT, en ligne, ils ont mis pas mal de choses d'AIT, pour le coup, même s'ils sont. Sur cette période-là, il y a un texte d'ailleurs sur les réseaux d'évasion, sur Ponsan, où ils expliquent. On a un site Coquelico, on l'a mis en lien sur le coquelico.info et ça aboutit sonné sur ce texte où ils expliquent un peu tout ce qu'on a dit, hein, les tenants aboutissants du débat à l'époque et que ça a été pas facile du tout et que de choisir la résistance ou pas, la situation de chacun était difficile et tout. Ils expliquent tout ça et les conditions politiques aussi avec l'histoire du front commun avec les autres tendances espagnoles ou alors de traiter des Américains, des Anglais ou pas. C'est assez court, c'est pas mal fait. Et par contre, il y a des interviews, Monseigneur, parce que j'en viens à Frédérica, qui est des petites vidéos, où elle est interviewée à Toulouse dans les années 90, avant sa mort, où elle raconte ça. comment, alors elle fait, pas avoir un monde honorable, mais c'est un peu ça, quoi, c'est-à-dire, oui, on a fait des conneries, peut-être qu'il y a le gouvernement, bon voilà, mais elle explique pourquoi, elle remet dans le contexte, on est contre, mais je veux dire, c'est à voir, c'est intéressant, et après, il y a cette histoire, bon, elle bascule, parce que finalement, cette tendance qui est la sienne, qu'on retrouve aussi à Toulouse, qui fête tous les ans l'anniversaire de la mort de Federico Mancini à la rue l'impasse Mancini à Toulouse, sous l'impasse, en photo, tout, enfin, c'est morbide, quoi. Et c'est que l'impasse, c'est parce que... C'est pire que morbide. Non, c'est pire que l'impasse, c'est parce que c'est le parc du Calvaire, et la plaque dessous, c'est la plaque, c'est Federico Mancini. Ministre, non, c'est pas valorisé. Voilà. Et ça a été fait en catimini en plus parce que. Non, mais c'est la ville qui l'a. Oui, c'est la ville. Tu vois que le gars qui l'a fait, il a des boulots quand même. Mais il y a un retournement parce qu'à l'époque, ils étaient pro-gouvernementaux puisqu'ils étaient ministres, donc la participation au gouvernement. Et là, c'est l'étonnant de l'orthodoxie, c'est-à-dire participe à aucune liaison avec qui que ce soit. Bon, alors ils disent toujours qu'ils ont appris l'histoire, etc. Donc on est toujours sur ce basculement. Et, au lieu de reconnaître ce que tu disais, c'est qu'il y a un contexte à l'époque, il y en a un autre maintenant. Oui. Et puis voilà, quoi. Tu te bats avec les armes que tu as à ce moment-là et tu choisis les pays. Sans oublier l'idée, quoi. Il y a un cas aussi, bon, pour parler de ces gens qui, à un moment donné, se sont retrouvés devant un choix. C'est l'histoire de Garcia Oliver. Garcia Oliver qui a fait qui a écumé avec Durruti et Ascas le solidaire, l'Europe entière et l'Amérique du Sud pour employer les caisses de la CNT dans les années 20, et qui en 1937, je crois, c'est votre ministre de la Justice. Donc, je ne sais pas s'il a justifié, mais... Il y avait la peine de mort, elle existait. Ah mais il paraît qu'il aurait fait du bon boulot dans les prisons. Hein. Non, mais... Ça serait énorme les prisons. Monsieur. C'est et lui, il a écrit ses mémoires. Non, il y a 60 pages, 600 pages à traduire. Il y a eu un numéro spécial d'un autre temps, très intéressant qu'on a ici sur le personnage. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des personnages avec des contradictions, mais c'est des situations exceptionnelles auxquelles les anarchistes n'étaient pas préparés. Pas du tout. Parce que les anarchistes, ils pensent une société sans État, sans armée, et puis là d'un coup... Sans prison. Là, il y a une guerre, il faut s'allier avec des gens qui peuvent être leurs ennemis, c'est ça. C'était aussi contrecarré un petit peu la montée des communistes, hein, dans les postes de responsabilité. Oui, ils auraient eu tout pouvoir. Oui, parce que c'est clair, par exemple, sur Cipriano Mera ou sur les colonnes qui vont devenir des régiments militarisés. Bon, d'un autre côté, il y a la militarisation, mais à l'intérieur de ces régiments-là, ils obtiennent quand même le fait qu'ils peuvent grouper les anars de façon à les protéger des exactions communistes. Ils sont... Ce qui n'était pas le cas des étrangers, entre guillemets, des Italiens, etc., qui ont été obligés de partir. On fait le choix aussi en disant, si ça devient une guerre, c'est plus une guerre révolutionnaire, on se barre. Ouais. Et en même temps, ils avaient des flingues au cul. Sauf les Italiens et les Allemands. Vous pouvez tout partir, d'ailleurs, mais vous savez où aller aussi. Les Allemands, les Italiens et les Allemands ne sont pas partis. Ouais. Voilà. Mais ils ne savaient pas où aller. Voilà. Non, c'est sûr. C'est vrai qu'à partir de mai 37, c'est devenu davantage une guerre nationale, je ne sais pas dire. Peut-être un peu. Ouais, d'où le problème de mai 37. Il y a un bouquin aussi. Non, c'est clé, mai 37. C'est un moment. Ça bascule, quoi. Ça bascule. Il est à Barcelone. D'ailleurs, il s'est arrêté par les communistes c'est les copains qui le sortent tout de suite, enfin qui le sortent parce qu'ils avaient le fusil. Ils avaient le fusil ? Ouais. Ils étaient trop bons comme ça, la chaîne. Eux avaient une stratégie. Les communistes, on en est. Oui, bon, c'est pas. Ah, mais. C'est une des accusations de. Accusation entre guillemets, j'ai relu le bouquin sur le poumon. Dans mai 37, c'est intéressant à lire, une autre vue, hein, un autre point de vue, etc. Où en fait, la position du gars qui a écrit l'histoire du coup, mais, je le rappelle. Ouais, c'est bien, ben, c'est bien ce bouquin, je trouve. Bon, après, c'est autre chose, mais bon, il met quand même le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire qu'en mai 37, la CNT à Barcelone, elle a du poids, elle croit qu'elle est énorme, qu'elle peut résister à tout, mais elle n'a pas de stratégie. Et elle croit ne pas se faire bouffer, et c'est, ça y est, elle a pris le chemin de... Parce qu'elle avait déjà renoncé pas mal de choses. Ouais, voilà, elle avait déjà renoncé pas mal de choses et qu'elle avait déjà une contradiction dans la base. Ouais. Et d'ailleurs, je comprenais plus, je savais plus où aller. Les choses étaient croisées, quoi. Comment continuer cette. Qu'est-ce qu'on fait, les militants, la base anarchiste, le peuple. Population, elle ne savait plus quoi faire. C'est par désespoir qu'on continue, mais on ne sait plus. On ne fait plus confiance. Nos idées, nos idéaux ont été bafoués. Oui, oui. Comment on continue? C'est un peu désespoir. Moi, un anarchiste, il ne doit pas être confronté à une guerre, parce que sinon. Oui, mais fatalement, quand est-ce qu'il apparaît vraiment? Bon, mais moi, je vais essayer plus tard de dire par là. Je veux dire que c'est des questions qu'on doit se poser. Je regarde, on en a déjà parlé le mois dernier. En URSS, avec Kronstadt, etc. Dans des moments comme ça, justement, il y a aussi paradoxalement, un regain d'idées. Et pas de stratégie. Pas forcément, parce que la Seconde Guerre mondiale, là, c'était comment. Qu'est-ce qu'on prend, la poule est anéantie, qu'est-ce qu'on fait? Soit on résiste, soit on reste dans son coin, soit certains ont collaboré. Il y a eu, chaque individu a eu une attitude différente devant un événement qui était catastrophique pour l'idée. Parce que, en France. En France, hein, je parle. Là, c'est le débat qu'on a eu avec le CSAU. Là, il y avait révolution et guerre en même temps en Espagne. Il y a un coup d'État, on déclenche une révolution. En France, là, on se fait envahir par des nazis. Il y avait une démocratie entre guillemets, un régime encore pire, et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'était là, chaque individu a réagi, il n'y a pas eu de stratégie. Alors là, en France, il n'y a aucune stratégie, chacun réagit différemment. Et c'était le débat de la dernière fois. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des crises antécédentes avant même la guerre? Oui, non, on ne peut pas comparer la France et l'Espagne. Il y a 14-18 qui diffèrent quand même. C'est-à-dire que le problème français, les suites de 14-18 dans le mouvement ouvrier, c'est. Oui, oui. Ça permet d'aborder un des prochains bouquins que vous allez sortir sur Alphonse, Hubert, Trichet. Ah, ça oui, mais bon. On va le sortir, oui. Oui, parce qu'on a. Depuis qu'on fait plus de revues, on a plein de projets. Avant, on était pris par le rythme de 2 mois pour sortir un truc. C'est terrible. On fatiguait là. Donc, on s'est mis des trucs à long terme. Et sur l'île de Marais, le bouquin. Qui est Alphonse Trichet? Trichet? Vous, c'est une histoire aussi. Lui, c'est un Français. Mais il est né en 1880. Et. Alors, il y a des petits mystères comme ça qui sont. Moi, ça me. En 1902-1904, il est marié déjà, il a 2 enfants, et ils sont de l'Isignan. Et ils s'en vont à Cuba. Mais ça, moi, j'ai su qu'ils étaient partis à Cuba, en fouillant les archives, parce que je tombais, quand ils étaient revenus à Toulouse, je tombais sur une fiche de police où ils ont arrêté une fille qui s'appelait Noëlla, c'était la fille de le troisième enfant de la famille Trichet, des parents Trichet, qui était née à La Havane. Alors pourquoi ils sont partis à Cuba? À quel moment ils sont revenus de Cuba? Mystère. Et eux sont en 36, toute la famille, le père, la mère, les 3 enfants, les petits-enfants même, puisque nous, il y a encore un descendant de la famille, ils sont allés à Puigcerdà. Dans la commune de Puigcerdà, puisqu'en 36, avec tout le truc. Et il était tout petit, il avait 10 ans, je crois. Voilà. Il dit, nous avons mis dans une maison, je suis rentré là, et dans une grande pièce, il y avait une tente indienne. Et ils ont été logés dans un des palais, ou des grandes maisons d'Alfonso XIII. du roi d'Espagne qui n'avait plus lancé, qui n'habitait plus là. C'est merveilleux, il est tombé. Et ils sont restés, alors là aussi, ils sont restés quelque temps là, et les communistes, encore une fois, ont accusé Trichet d'avoir volé 200 000 pesetas. Il a été obligé d'aller à Barcelone, puis bon, c'est à dire que non, et puis après, peut-être après 37, les dates, je ne sais pas trop possible. Ils sont peut-être aussi rentrés en France. Et en France, ils sont arrivés en Toulouse en 1923, et il a créé un groupe, lui, qui s'appelait Bien-être et Liberté, qui a duré jusqu'à sa mort, je crois, en 53, c'est même 4 à Toulouse. Il aurait transformé le nom de, c'était le groupe d'études sociales, il aurait transformé le nom. Mais c'est ce gars-là, ils ont même participé aux élections législatives. Ils se sont présentés en 1924, mais parce qu'à cette époque-là, il y avait 100 000 détenus en France. Ils avaient créé un groupe à Toulouse, avec des socialistes, les communistes à cette époque-là, et eux, Pro Justicia, pour la libération de tous les détenus. Jusqu'au jour, tout ça c'est rapport de police, hein. Jusqu'au jour où les copains, là, les socialistes et communistes, non, libération c'est le moment des politiques, non, tous, les sociaux aussi, et puisque c'est ça, on se retire. Mais ils se sont présentés aux élections, ils ont présenté 5 ou 6 candidats, après, aucun n'a eu une voix. Hein. Ça nous a permis de bénéficier des salles municipales gratuites pour faire leur propagande et des panneaux muraux là de l'affichage. Donc tu as très travaillé dessus. Les petits groupes typiquement anarchistes qui étaient dans la résistance. J'en avais parlé tout à l'heure à propos du groupe là. Qui était attaché, qui travaillait avec les Anglais. Alors, est-ce que ces petits groupes se sont rattachés à des mouvements ou ont travaillé avec des mouvements plus importants et plus, je dirais, français, tels que les mouvements de résistance, les FTP, les Front National, etc., etc. Hein? Parce que, d'après mon expérience personnelle, si on ne reste qu'un petit groupe, on perd en efficacité. Non, ils n'ont pas. Est-ce qu'il y a eu des rattachements comme ça tout à l'heure, vous avez parlé. Oui. Ils ont travaillé avec les Anglais. Individuellement, avec les Anglais, oui, ce groupe. Parce qu'il était. Il y avait une certaine protection avec le réseau anglais, Thérèse, là, celui qui était infiltré. Voilà. Après, ça a été beaucoup plus dur. Avec les réseaux de résistance, parce que les FTP étaient noyés par les communistes et les anarchistes espagnols redoutaient en y allant. Il y a eu un débat, ça ils en parlent d'ailleurs, c'est une qui en parle sur son site. Il y a eu un débat sur comment entrer dans les groupes de résistance, est-ce qu'il faut y aller individuellement ou est-ce qu'on fait un groupe, on a du poids et on est reconnu. Il n'y a pas eu de stratégie là-dessus. C'est-à-dire que ceux qui y sont allés, ils sont allés individuellement sans dire qu'ils étaient anarchistes. Parce que s'ils y allaient individuellement en disant qu'ils étaient anarchistes, il y avait une grande chance d'y passer chez les FTP. Et c'est pour ça qu'on les retrouve plutôt dans les FFI, la colonne nucléaire, etc., des choses comme ça. Parce qu'ils ont eu beaucoup plus d'acquaintance avec les gaullistes qu'avec les maquis, les maquis communistes. Où ils étaient tout de suite. Alors donc du coup. Il n'y a pas, et comme c'était un mouvement divisé, il n'y a pas une stratégie de groupe important. Les groupes de mais ça ne pèse pas sur un maquis, une stratégie de groupe important pour rentrer dans la résistance et du coup avoir du poids et faire reconnaître cette idée-là dans la résistance. Et c'est vrai que si eux, pendant des années et des années, si on a reparlé qu'en 2005 de tout ça et des anarchistes dans la résistance française, c'est aussi parce que finalement il n'y avait pas eu de stratégie anarchiste pour la faire apparaître telle qu'elle avait été aussi importante. Mais ça a été c'est individuel plutôt, ouais, bien sûr, pour toutes ces raisons. Vous répondez à ma question, hein? À part des groupes qui ont travaillé avec les Anglais, au niveau des. Oui, parce que ou Leclerc, ou les FFI. Les Anglais mais bon. N'avaient pas, si vous voulez, je dirais, cette arrière-pensée politique en France. Ils en avaient, sur l'Espagne. C'était les intérêts économiques anglais en Espagne, étaient énormes. Oui, oui, ils en avaient sur l'Espagne. Ils en avaient sur l'Espagne. Là, il parle à un moment donné dans le bouquin que les Anglais favorisent l'ultra qui passe en Espagne pour que l'Espagne reste neutre. Reste neutre le conflit. Donc, les Anglais avaient un intérêt sur l'Espagne. Oui. On parle de ça. Mais pour revenir un petit peu à la question, sans qu'ils soient un des groupes les plus importants, en tout cas qui se connaissent, parce que ceux qui se connaissent même, parce que c'est vrai que ça n'a pas été trop fait, je pense. C'est le groupe du barrage de l'Aigle qui avait dans le Cantal, qui avait une soixantaine de militants hein, qui travaillaient sur le barrage, et qui eux sont partis armés pour libérer la pointe de Grave, côté de Bordeaux. C'est un des faits qui est relativement connu, quoi, hein, qui est assez connu. Ouais. Après, dans l'Ariège, il y a eu le maquis bidon Saint, je crois, mais très peu. Mais toujours, c'est comme dit Yves, à l'écart de l'économiste. Oui. Mais ils profitaient, la stratégie, pour ça, on avait une. Lui, il prenait les moyens des Anglais pour grossir les moyens propres et après dans l'Espagne. Et en même temps, il comptait sur les promesses de De Gaulle, qui avait quand même promis aux Espagnols de retourner, une fois qu'ils avaient liquidé l'affaire nazie, de retourner en Espagne. Donc il était sur cette stratégie-là. Mais bon, voilà, on sait ce qui est devenu, hein, De Gaulle, les promesses. Il y a énormément d'Espagnols qui sont rentrés à la Légion étrangère aussi, pour la durée de la guerre, je veux dire. Bon, tout ça avec derrière la tête, on le fait, à contre-cœur peut-être, on le fait, mais contrepartie. Les Anglais, au Barcarès, il y a un monument, on voit, il y a écrit hommage aux étrangers qui se sont engagés dans l'armée. Enfin, il n'y a pas le mot espagnol, c'est complètement faux cul, comme la plupart de la. Maintenant, sur la Retirada, il commence à y avoir des textes où on voit vraiment, ils disent vraiment ce qui s'est passé. C'est comme au camp de Gurs, où on dit qu'il n'y a que des Allemands qui ont déporté les gens et pas de Français. Et alors on est passé au Barcarès il n'y a pas longtemps, donc il y a, bon, visiblement, c'était que des Espagnols qui étaient là. Le mot espagnol n'est pas marqué, et c'est gloire aux mecs qui se sont engagés. Bon, je suppose qu'ils ne se sont pas tous engagés volontairement. C'était peut-être pour sortir des camps. Ils n'ont pas donné le choix. Du côté de ceux qui falsifient l'histoire de cette façon-là, en englobant l'exil espagnol là-dedans, c'est masquer l'idéologie de la révolution espagnole. C'est ça, derrière. Hein. C'est si on est républicain, c'est masquer ça. Je ne sais jamais, je ne veux pas plaisanter. S'il y avait 100 Espagnols, je ne sais pas moi, un Russe, pour ne pas oublier le Russe, on a mis étranger au lieu d'Espagnol. Là, c'est de la grammaire. Je pense qu'il n'y avait que des Espagnols à cet endroit-là. Oui. À les camps, il y avait tous les internationaux hein, qui avaient participé à la guerre d'Espagne. Comme les derniers. Les camps qui ont été faits pour les Espagnols, après, ils ont pris des étrangers, des camps de Gourse, les Allemands. Les camps de Gourse, les Juifs. Non, il y a des camps qui ont été. Ah ben celui de. Les camps ont été construits spécialement. Les camps ont été construits avant la guerre en 38. Non, mais les camps pour les Espagnols, l'Argelès, Arizal, on les a construits après l'arrivée des Espagnols. Mais oui. Ben oui, parce que dans un premier temps, ils étaient sur la plage. Ils étaient sur la plage. Pendant 3 mois, ils ont passé sur la plage. On leur a construit des camps pour eux, on a mis d'autres étrangers. Non, non, c'est les Espagnols qui ont construit les camps. Oui, et c'est eux qui les ont construits. La seule chose qu'ils n'ont pas construit, c'est le barbelé autour. Mais le reste. Mais le camp de Gourse a été fait en 38. Oui. Et celui de. Il y en a même eu le camp de 14. À côté. Oui, mais après. Rivesalt, celui de Rivesalt. Oui, le camp de Rivesalt, il m'a été utilisé en 40. C'était un truc militaire. Une prison militaire. Puisqu'il a fini après, c'est les harkis qui ont fini. Les indiens. Non. À l'accueil des Espagnols. C'est vrai que c'est un. C'est même méconnu en France. Même les anciennes générations, tout ça. ça c'est le plus connu de tous. C'est un truc, là, hein. Oui. Voilà, c'est ça. C'est drôle parce que c'est vrai que les témoignages oraux existent encore. Les gens te parlent de la même chose autrement parce qu'ils ont connu. Donc eux, ils ne peuvent pas passer à l'as, ils ont connu. Mais ça n'a pas été écrit, pas été demandé. Du coup, on s'arrête de l'anecdote, leur vécu, etc. Et, non, il faut que ça reste. Il faut pas le poids quoi, de l'histoire qui est basée sur les témoignages, mais qui publie, qui diffuse et tout ça. C'est le but. Rodez, tu disais tout à l'heure. Oui, il est parti faire la déclaration. Je crois que c'est bien la violence, c'est Rodez. J'imagine qu'ils ont eu. Il est en peau de con. Allongé, il est allongé. Mais lui, il a pris le prix de Valdar. Hein. Eh oui. Il était le Valdar. Hein. Il est question, si de toute façon, il faut que tu ne sois pas dans la réfléchis, tu as réfléchi. Oui, oui, il y en a beaucoup. Hein. Et paradoxalement, des anciens gaullistes dans les maquis se souviennent des Espagnols. Ah oui, oui, oui. Et en parlent tels qu'ils étaient d'ailleurs. Ils reconnaissent beaucoup plus que les communistes, hein, en termes d'idéologie et tout ça, même s'ils ne sont pas d'accord. Mais ils les voient tels qu'ils sont. Pour l'anecdote, en 68, voilà, en 62, quand il y a eu le risque d'invasion des généraux algériens, enfin des parachutistes, les gaullistes, ils ont appelé les anards. Enfin, moi, je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais les copains, se sont retrouvés à l'aéroport, appelés par les gaullistes, oui, oui, le Blagnac, oui, oui. Ah, non, 62. Sur Toulouse. Oui. À Paris. 62, quand les parachutistes voulaient débarquer, enfin, se parachuter. Oui, les gaullistes ont appelé les anards espagnols à venir défendre, à bloquer l'aéroport de Toulouse. Non, c'est pour dire que ça, il y avait un souvenir. Moi, je me souviens, enfin, mon beau-père et ma belle-mère expulsés de Toulouse en 63, le sénateur socialiste qui allait venir chez moi, et ils ont quand même venir chercher chez moi, le sénateur socialiste. C'est-à-dire qu'il y avait un souvenir de la guerre encore à ce moment-là. Hein. Oui, oui, le problème, c'est que, pour revenir à ce peu ce qu'on disait, c'est tous ces copains-là qui, d'une manière ou d'une autre, vont participer, ou des gens se sont souvenus d'eux, ou de. On n'arrive pas à les faire émerger historiquement, je veux dire. Émerger à travers des documents. Ils n'existent pas, on veut dire, on le sait, bon, c'est des trucs, mais on n'arrive pas. L'histoire de Ponsan, heureusement que Théier s'est pas fier dessus. Il y a un travail qui vient de sortir sur la nouvelle en Espagne. C'est quoi ça? Encore c'est une traduction. C'est Leclerc et tout ça. C'est truc, c'est ça là-bas. C'est une division. Oui, oui. Donc il y a toute l'histoire de tout ce qu'ils ont fait, les campagnes d'Afrique, jusqu'à la libération de Paris. Ça, on les aura les deux. Oui, mais c'est nouveau le gouvernement. Oui. C'est justement les autres qui n'arrivent pas à. En Ariège, il y a Despin, c'est un historien. Un historien communiste qui a fait un article. Sur la résistance, j'ai à l'arrière. J'ai plus le nom en tête, mais c'est une histoire communiste, donc il a belle part au communisme. Et à un moment donné, il dit, Bijard a été parachuté dans l'Ariège, et avec ses anarchistes entre guillemets, il est allé libérer Foix. Mais de façon très ironique, quoi, je dirais. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, je ne sais pas, le fait peut-être qu'il sur son article, mais je vous l'enverrai parce que c'est. Il y a un copain sur l'Ariège qui est devenu pas fou, qui fait des recherches dessus parce qu'il veut essayer quand même de percer tout ça. Et le Despin, il s'appelle un historien, il dit ça. Bijard a été parachuté en 43, au final, 4. Il y avait ces anarchistes, entre guillemets. C'est SES. Il est allé libérer Foix. Il a l'air de dire Foix, déjà libéré. Il y a des choses comme ça. Que. TS, oui, il a utilisé. Des témoignages, beaucoup, beaucoup, beaucoup, oui, parce qu'il était dans la résistance, etc. Donc il avait tout ça, quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui a bossé après à l'agence France Presse, et tout ça, c'était un radarchive. Oui, un radarchive, ouais. Il trouvait les archives. Il y a beaucoup de sources. Le mouvement libertaire. La partie espagnole est vachement très minutieusement écrite. Hein. Vous savez, sous l'occupation, on s'en foutait. Anarchistes, socialistes, le pas communiste. L'idée, c'était le Bosch dehors. Oui, mais, non, mais les communistes, il y avait carrément des comptes, comme en Espagne, je veux dire. Non, je ne partage pas ce que vous avez dit. Il y a eu des règlements de comptes. Comme en Espagne. Dans les maquis. Avec l'affaire Moulin, déjà. Même s'il n'y a pas d'anard dans la question. D'abord, premièrement, les anarchistes. Qui n'étaient pas pour combattre, puisqu'ils étaient anti-militaires. Premièrement, il y en a qui sont partis en Suisse. Et on les comprend. Ensuite, il y a ceux qui sont allés en prison plutôt qu'aller faire la guerre. Ensuite, il y a ceux qui, pour rien au monde, auraient travaillé pour les cocos. Enfin bref, ce qui fait qu'à l'intérieur du mouvement anarchiste, ils avaient déjà plusieurs positions. Et y compris à l'intérieur du mouvement gaulliste. Je vous parle d'une façon générale. Donc le Bosch dehors, à mon avis, ça date plutôt de 1950 que de 1940. Moi, je comprends la mère, qu'elle soit un client, qui me dit honnêtement, je n'ai pas le vécu de temps, si je ne respecte pas par le moment. Il y avait baissé les bras, on va prendre le moment, et puis ça, il y avait un peu de temps. Il y avait une très bonne manie, tu vois. Et il disait que, on va passer allemand. Oui, non, mais. Non, mais la résistance française, ça a été mythifié par la suite. Il y a très peu de résistants. C'est le Toulouse des années de ces années-là, c'est un journal qui s'appelle La Dépêche, qui est un journal collabo, qui est interdit jusqu'en 47. Et qui va réapparaître en 47, et qui, quand il a fait son 40e anniversaire en 97, a mis toutes ses unes en expo, tout ça, hein, et comme par hasard, il n'y avait pas les unes de 40 à 44 blancs. C'est des résistants qui sont les quelques, hein, qui ont dit, il y a des trous là, on va les trouver, nous, et qui ont sorti. C'était une ville pétainiste, mais jusqu'aux yeux. Et effectivement, la résistance du Sud-Ouest est très, très immigrée. Il y a le réseau Langer de l'Est, Marcel Langer, la Moille d'abord, et puis les réseaux en campagne, c'est les réseaux espagnols. Et par contre, là, il y a très peu de résistants. Alors après, on a mythifié tout ça, l'anti-Bosch, tout ça, tout ce truc. Le PC a beaucoup servi à ça aussi, en disant on est aussi patriotes que les autres, on est aussi. Ils ont rajouté des couches là-dessus. C'est sûr qu'ils avaient mal démarré. Ils ont réussi à faire oublier quand même le truc qui est mort. Et là, tout est en train maintenant, c'est vrai qu'on a une période où tout ça, c'est en train de tout, on le revoit autrement, quoi, parce que. Oula. C'est vrai aussi, l'histoire elle s'écrit aussi par les intérêts du présent de chacun. C'est un petit peu provocateur, mais dans certains cas, les historiens organisent la révision. Parce que c'était pas facile à ce moment. Ah oui, bon alors, ce que disait Claire, je suis tout à fait d'accord, les choix de chacun, qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas, la Suisse ou pas, il y a peut-être autre chose à faire en Suisse, et pas se faire, bon voilà, hein, ça c'est, bon, après on peut regarder ce qui s'est passé. Pour les historiens, ils ne peuvent pas faire autrement. Ouais. Hein? Après, les historiens, ils sont dans un contexte, dans une période, il y a tout un... L'enseignement de l'histoire, c'est pareil, ça correspond à des opinions politiques d'un moment et d'une stratégie dominante. Et la recherche de la vérité, mais c'est un travail énorme. Il y a des archives. Il y a plusieurs, oui. Il y a des archives dans le ministère. Oui. Je ne sais pas si on peut dans ce livre, mais on a c'est possible. Pour ceux qui se pestuisent, oui, non, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Parce que nous, on travaille sur les archives, c'est quand même plus récent, à Vincennes. Vous y êtes allé ? Oui. Mais actuellement, nous, on fait même partout aux archives, à toutes nos archives départementales, jusqu'aux années 50-58, on peut accéder déjà. Hein. Mm-hmm. Il y a tout un transport, tout truc sur la CNT et tout ça, qui explique, qui peut expliquer aussi, je veux dire, certaines situations, certains trucs. Non, non, je pense. Il y a, on peut venir à Ngala parce qu'on fait une semaine sur l'Espagne au mois de février. Mm. Il y a un prof de Catalogne qui vient, mm. À Toulouse. C'est plus près, c'est plus près. Il a fait un travail sur la répression franquiste en France, 1939-1951. C'est intéressant. Donc c'est pour dire qu'on a, on peut accéder à des archives récentes aussi. Parce que bon, je pense pas. Oui, en même temps, tu as des archives anciennes, très anciennes, que tu découvres que maintenant. Ah oui. Des trucs sur, de l'époque de d'après la commune, là, je vois sur la Saône-et-Loire, la Bande-Noire, tout ça, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et il y a un mètre linéaire qui vient d'être déclassé aux archives de Mâcon, sur le, alors qu'on croyait avoir étudié le sujet de la Bande-Noire. Il y a eu un roman qui avait été écrit dessus, il y a eu des... Bon, hein. Non. Ils faisaient sauter les croix en 1882, c'est les croix, les églises, et après les domiciles des contremaîtres de la mine. Voilà. Et ça a duré 3 ans. Ils étaient en lien avec les anarchistes lyonnais, enfin c'était un groupe de jeunes, hein, ils étaient 200. Monstrueux. 200. Ils avaient qu'un rituel, c'était une bande avec des rituels. Il fallait. Bon, je cherchais là-dessus, j'avais écrit un polar moi sur la question, mais pas sur la bande noire, sur le moment. Donc, alors, je vais retourner voir ce maître binaire parce que ils ont eu un bordel là-dedans et ils viennent de déclasser ça. Alors ça veut dire que c'était dans une cave et puis ils vont nous ressort maintenant. Oui, et là-dedans, il y a tous les comptes rendus de tribunaux. Alors là, c'est du point de vue juridique. C'est ça. Voilà. Alors, juridique, c'est ça. Voilà. Donc ça sort maintenant. Et il faut sauter là-dessus assez vite parce que c'est quand même pas mal. Oui. Ah, ceux-là sont partis, enfin au bagne, certains ont été acquittés, s'ils n'ont pas pu trouver. C'est une opération de police, on parle de police traditionnelle, c'est-à-dire infiltration par un commissaire de police qui envoie quelqu'un dans la bande noire, qui lui fait faire carrément une tentative d'assassinat. Pour coincer, j'en coince un petit groupe à ce moment-là, et le même commissaire de police finit, comme par hasard, dans un asile de fous, et en fait, il est exécuté pour pas manger le morceau, comme quoi, voilà. C'est tout un truc assez fabuleux, c'est un roman. Ouais. Et c'était des jeunes, alors 200, c'est fabuleux, des qui bossaient dans la merde de la mine, qui a le avec les curés sur le dos, donc ils ont explosé à l'époque. Et ils étaient armés, ils se réunissaient dans les bois, et les flics n'osaient même pas rentrer dans les bois. Ils encerclaient les bois, là, entre le Creusot, Montcharnon, Monceau, dans le bassin de Louvier, et pour surveiller juste les sorties. Après, ils les coinçaient dans les auberges, mais à l'intérieur, ils s'entraînaient, ils étaient 200 armés à s'entraîner. Alors, le mec, restait à l'extérieur, ils n'y allaient pas. J'ai mis des rapports de flics, c'est ça, les gars, on est pointé à tel endroit, et on va voir à l'auberge truc, s'il y a machin. Ils ont des rituels, on bande la tête, le nouveau qui doit arriver, on lui bande les yeux. On met un flingue, et ouais, il y avait des analogies. Et on lui fait tirer sur un traître. Soit on lui dit, il y a un traître en face toi, si tu veux être admis, tu tires. Oui. Bien sûr, la personne, je veux dire. Après, tu es admis. Et après, voilà, c'est les débuts de la dynamite. Donc, voler dans les carrières, les mines, beaucoup de dynamite. Donc, ils prennent ça sur des wagons de chemin de fer, de la mine PLM, Paris-Marseille, qui passe par là. Et ils se servent du stock. Alors là, c'est une avalanche, c'est des croix, c'est des chapelles, ça dure de 82 à 85, 1882-1885. Là-bas, il y a un souvenir. C'est encore. Oui, il y a un souvenir de cette histoire. Ça a donné du travail à ceux qui ont refait les croix, sur le... Ils les ont refait plutôt. Montchanel, le Creusot, tout ça. Ouais, c'est le bassin. Ouais. C'est un bon quartier, ça. Ah, ouais. Oui, oui, tu connais? Un peu. Tu es né là-bas? Ah, bah, tu connais l'histoire de la bande noire, alors. Ah là. Moi, je t'ai passé la police statue, tu vois. Bon, non, c'est les quartiers de c'est à la fin du 19e siècle, c'est jeunes qui pas très loin. Qui faisait sauter les croix, les églises, et influencé par les idées anarchistes. Oui, oui, d'après la commune, oui. Moi, je suis né au Creusot. Hein. Je suis né au Creusot, moi. Ouais, je suis creusotin. Ouais. Ah ben oui, bougez. Hein. J'habitais Montchanin. Non, tout court. Non, on a perdu les puristes là. Je vais te relancer sur tricher parce que t'as pas terminé tout à l'heure la partie. Ouais, sur le sujet, guerre, ouais, c'est un polar historique. Ouais. Ouais. Non, j'ai laissé là. La peau des statues, ouais, c'est sur cette période-là. Ou les questions de la bande noire, mais là, succinctement, parce que c'est un polar qui va de 1871, donc la commune, parce qu'au Creusot, il y a une commune en 1871, en même temps que Paris, Marseille, enfin, les grandes grèves plus communes, donc l'histoire de la bande noire, les débuts du syndicalisme, jusqu'à 1907, ouais, sur le bassin. Et donc, il y a une deuxième partie contemporaine, puisqu'il y a l'intrigue, tout ça. C'est fait avec sur base d'archives historiques, tout ça. C'est vraiment intéressant chez le marchand de canons. Chez le marchand de canons, ben voilà, voilà, c'est Schneider et compagnie. Hein. Donc, c'est un peu de pub. C'est l'occasion de nous parler des éditions. C'est ce que j'auto-édite, ça, moi. Édite voilà. Édite tout seul. Ouais. C'est Igor Sébastien. Je fais ça. Ouais, ouais, mais je prends des pseudos. Je vais faire croire qu'il y a vachement d'auteurs. Il y a plein d'auteurs. C'est un artisan. Et ça, je les ai posés ici, là. Ils, ouais, voilà. Donc il sera à la bibliothèque du CERF. Voilà. Il y a des polars, une série de petits polars, c'est ce que je fais en ce moment. C'est des polars poèmes, c'est sur Toulouse, c'est des rues toulousaines. Parce que j'ai habité 20 ans à Toulouse. Et, voilà. J'ai connu Ronito. Il n'y a pas 20 ans. Il n'y a pas 20 ans. Et puis, ça des nouvelles. C'est une histoire, un roman noir qui se passe dans une rue précise. Ouais, je crois. Et celui qui se passe du côté du Creusot, c'est le premier, là. La voilà. Et la rue du container, c'est des nouvelles. Il n'y en a pas fait un sur l'impasse Monsenic. Celui-ci, tu disais. Ouais, c'est Monsenic. J'ai réédité. Sur l'impasse Monsenic. Ouais, ou ça serait intéressant. Ah non, non, parce que. Tu fais un truc sur la base pour tu relèves le coup. Tu relèves le coup. Alors là, tu touches au. Oui, puis tu l'appelles le livre, un passe pensé déjà, il y a un article. Ah oui. Ah oui. Il y a un passe pensé. Ah oui. Oui, non, ben, Olivier, tu t'en fous parce que tu bouges forcément. Non, tu peux pas. Si tu veux. Passer une retraite tranquille, ne pas faire de genre de trucs. Oui, donc on a pas fini, pareil. J'ai joué sur Tricheux, c'est ça? Oui, je voulais. Hein, parce que tu as repris, et puis moi j'ai interrompu. Tricheux était fermier après. Non, c'est ça. Dans le métro, ils disent que. Parce que quand ils rentrent d'Espagne en 37, assez rapidement, on ne sait pas trop ce qu'il fait pas derrière. D'après son petit-fils, il dit ouais, ils ont fait un peu de résistance, mais pas trop souvenu. Par contre, il y a eu la constitution de l'UEA, la reconstitution de l'UEA à Toulouse en 1943, et le métro en dit ça s'est passé dans la fermette de Tricheux. J'ai fait dans un coup de pont. J'ai fini par tomber sur où elle était après avoir eu le petit-fils. Il m'a dit ouais, c'est à tel endroit, tu vois. J'ai fait la photo de la fermette. Une maison qui avait été récupérée, rachetée par la mairie, parce que derrière l'hôpital Rangueil, là, qui raménage tout le truc, j'ai fait la photo. Et c'est une maison, c'est une maison. Mais après, ils ont passé des photos du groupe, tout, avec la paire et tout. Et 15 jours après, la fermette rasée. Ah, tu l'as pris la photo. Un coup de poing énorme. Mais donc, le congrès de constitution, de reconstitution de l'UA, ça se fait en 43, c'était la fermette, où il y avait Aru et Voline. Ah, lui avait mené Voline depuis Marseille. Que je sache. Après, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. Comment ? Un spécialiste de la rue. C'est lui l'auteur du livre sur la rue. Ah, d'accord. Francis. Ah, d'accord. Il parle de la fermette de Tricheux ? Oui. Il parle aussi de Coupin. Je pense qu'il a réussi à identifier également par le genre de Toulouse qui est végétarien et qui a assuré le temps. Ah, alors c'est peut-être Guillaume, Étienne. Étienne Guillaume. Le végétarien de Toulouse, c'était lui, mais bon. Je suis pas sûr. Il y a peut-être d'autres végétariens. Non, non, il est venu pendant la guerre. Il est venu pendant la guerre. Oui, c'est un Parisien qui est venu pendant la guerre. Étienne Guillaume. D'ailleurs, André a été en relation avec lui un peu plus tard. Et puis, ça n'a pas continué parce que. André n'était pas végétarien. Oui, il était un peu plus. Carnivore. Petit à petit, Étienne, un copain, parce qu'on a su par des copains, par les clavés notamment, était arrivé à une intolérance telle que personne n'arrivait à. Il avait ouvert au moment donné un restaurant à Toulouse. Ah, ouais. Oui, c'est ça. On a des Rose, sa femme, voilà. Au moment donné qu'elle manque, Rose la Vigne, quand elle manquait de viande, elle partait avec le copain. Ouais, elle était affamée. Ah non, il est devenu. Je crois que même son chien était végétarien. Oui, il croyait que son chien était végétarien. Et le clavé, Marcel le clavé, je l'ai connu.